La deuxième est la troisième épître de Jean. La deuxième et la troisième épître de Jean ont été écrites vers l'an 85. Ce sont les deux livres les plus courts du Nouveau Testament. Peut-être est-ce en raison de leur brièveté, respectivement 13 et 15 versets, que l'on n'en parle pas très fréquemment et que les exégètes les ont souvent laissés de côté, comme s'ils avaient préféré commenter des épîtres plus substantielles. Pourtant, ces deux épîtres complètent admirablement l'ensemble des écrits du Nouveau Testament, et la première épître de Jean en particulier. Dans sa première épître, l'apôtre Jean a développé surtout le thème de l'amour de Dieu et de ses effets dans le cœur du croyant. Dans ses deuxième et troisième épîtres, il associe l'amour à la vérité. En effet, le mot « vérité » apparaît 10 fois dans ses 28 versets. Ce mot « vérité » est parfois fort mal compris. L'homme moderne, malgré ses connaissances philosophiques étendues, ne sait parfois plus ce qu'est la vérité. Et il pourrait aujourd'hui poser la question que Pilate, le gouverneur romain, avait posée à Jésus-Christ. « Qu'est-ce que la vérité ?» Jean 18, 38. Et pourquoi ne sait-on plus au XXe siècle ce qu'est la vérité ? D'une part, parce que quelque chose a été faussé dans l'esprit humain, au point qu'on préfère les compromis aux absolus et qu'on s'efforce de s'aligner sur plusieurs vérités comme s'il en existait plusieurs. Cette situation ambiguë a fait dire à Jean Cocteau « Je suis toujours un mensonge qui dit pourtant la vérité ». Et comment l'homme en est-il arrivé là ? Son esprit, perturbé et déséquilibré par le péché, est devenu esclave de Satan. Le menteur est le père du mensonge. Jean 8, 44. Le Nouveau Testament déclare « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. C'est-à-dire, le monde entier est sous la puissance de Satan. Bientôt, Satan s'incarnera dans un super-homme perfide que l'apôtre désigne sous le nom d'Antéchrist. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 18 et 22. Deuxième épître de Jean, verset 7. Qui séduira le monde entier par des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Or, le premier mensonge de l'Antéchrist, nous dit la deuxième épître de Jean, est de nier la venue historique de Jésus-Christ et en particulier son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antichrist. Deuxième épître de Jean, verset 7. Mais pourquoi le diable et ses agents contestent-ils avant tout l'œuvre historique du Fils de Dieu ? Parce que Jésus-Christ est venu pour condamner le mensonge et libérer les victimes de Satan. Il est lui-même la vérité divine, souveraine, capable de nous révéler le Dieu véritable. N'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Comment Jésus nous introduit-il auprès de son Père ? Par son œuvre expiatoire à la croix et par sa parole. Christ, qui est la vérité personnifiée, nous a remis une parole de vérité, la Bible. Et lorsque cette parole divine opère son œuvre en nous, elle nous libère progressivement du mensonge, nous transforme et nous sanctifie. Tout cela pour que nous devenions des hommes nouveaux, créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Revenons maintenant à l'association amour et vérité que l'on découvre dans ces deux épîtres de Jean. Peut-être cette association vous surprend-elle. Eh bien, songez un instant au mariage. Un couple ne goûtera pas une union véritable s'il y a manque de vérité entre les deux partenaires. L'amour vrai, selon Dieu, n'a rien de commun avec l'amour qu'on appelle libre, qui n'engendre que tromperie, mensonge, adultère et vice, avec tout leur cortège de tragédies. De même, l'anomalie de l'amour sans la vérité se retrouve sur un autre plan, celui de l'Église chrétienne au sens large du terme. L'écuménisme fait fausse route en proposant l'unité sans la vérité, car on ne peut s'aimer et s'unir réellement que sur le terrain de vérité des Écritures. Comment des croyants qui ont des convictions différentes sur les vérités essentielles de la foi peuvent-ils s'unir sans arrière-pensée? Il faudrait d'abord que la chrétienté revienne à la foi originelle et au terrain de vérité de l'Écriture, pour que la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ en Jean 17 trouve son exaucement. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Des considérations de cet ordre motivaient l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit ses deux dernières épîtres. Écoutons-le. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Deuxième épître de Jean, versets 3 et 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Troisième épître de Jean, verset 4. Lorsque les enfants de Dieu marchent dans la vérité, ils se détournent de ceux qui renient Christ. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Deuxième épître de Jean, versets 10 et 11. Et ne pensons pas que ce message ne nous concerne plus, car à travers les destinataires de ces épîtres, l'apôtre Jean s'adresse à toute l'Église de Jésus-Christ. Qui étaient-ils donc les premiers destinataires de ces exhortations? Jean a envoyé sa deuxième épître à une dame qui élevait ses enfants dans la foi, d'où la salutation en tête de cette lettre. À Kyria l'élu et à ses enfants. Il se pourrait aussi que cette expression Kyria, mot grec qui veut dire dame, évoque une communauté d'Asie mineure et ses enfants, les membres de cette église. Quant au mot « l'élu », il fait certainement allusion à l'élection divine qui est le privilège de chaque enfant de Dieu. La troisième épître était destinée à un homme influent nommé Gaius qui accueillait les chrétiens dans sa maison. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Troisième épître de Jean, versets 5 et 6. Le nom de Gaius était assez courant à l'époque, mais il est possible que ce correspondant de Jean ait déjà été mentionné dans l'épître aux Romains écrite 30 ans auparavant. Paul disait alors de lui « Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. » Romains 16, 23. Gaius était certainement un modèle pour les chrétiens de son Église. Mais il n'en était pas de même de Diotrephe, pourtant membre de la même communauté. Jean s'en afflige. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Troisième épître de Jean, versets 9 et 10. « Que de Diotrephe aujourd'hui, qui aiment à se mettre en avant et jouer un rôle de premier plan. Que de Diotrephe qui refuse de se soumettre au conducteur spirituel et même à l'autorité de la foi apostolique. Là encore, la marche chrétienne dans l'amour et la vérité implique que les Diotrephes soient dénoncés dans leurs actes et jugés par l'Église, afin que rien ne nuise à la cause de Christ. Heureusement que, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas seulement des Diotrephes, il y a aussi des Démétrius. En effet, la troisième épître de Jean se poursuit sur une note très positive, verset 12. tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Nous ne connaissons que peu de choses au sujet de Démétrius, puisque le Nouveau Testament ne lui consacre que ce seul verset. Mais cette courte citation en dit long. Tous rendent un bon témoignage à Démétrius. Peut-être que les dons de Démétrius n'étaient pas aussi brillants que ceux de Diotrèphe. Sans doute faisait-il moins de bruit et jouait-il un rôle plus effacé. Mais la vérité était honorée et le Seigneur était glorifié par ce fidèle membre de l'Église dont le témoignage devait être édifiant et propre à gagner des âmes à la cause de Christ. Chrétiens, qui êtes à l'écoute en cet instant? Quel rôle jouez-vous dans l'Église du Seigneur? Celui de Diotrèphe, l'homme orgueilleux et plein de lui-même, ou celui de Démétrius, le témoin humble et fidèle? Le Seigneur vous invite à suivre les traces de ce témoin peu connu de l'Église primitive, afin que tous, et la vérité elle-même, rendent de vous un bon témoignage. Oh, que le Seigneur donne à chacun de nous de devenir un Démétrius et que nous apprenions à marcher dans l'amour et dans la vérité.